Arts, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, pas mal de nouveautés et on va commencer avec Trifecta, un super groupe avec Nick Beggs, le bassiste là, qu'on a pu voir aux côtés de Steve Hackett, Steven Wilson. Il a aussi fait partie de Live Sings. Au clavier, on retrouve Adam Holzman, un claviériste surtout spécialisé dans le jazz, je dirais. Et puis le batteur Craig Blundell pour compléter l'album Fragments. Et puis on aura aussi d'Allemagne une nouveauté, Argos, qui nous arrive avec un sixième album studio, The Other Life, et c'est un de leurs bons, je peux vous le dire. Et puis Marc, je pense qu'après ça, ben on s'en va du côté des États-Unis avec une pièce que j'aime beaucoup. Oui, c'est une formation de Austin, Texas, la formation Proud Peasant, et c'est tiré de leur nouvel album qui paraîtra le 3 septembre prochain. Alors c'est l'album qui a pour titre Peasant Songs. Et Proud Peasant, donc, c'est l'œuvre de Xander Rastine qui a réalisé en 2014 le premier album Flight, qui comprenait trois pièces. Et pour ce nouvel album, ce sont des pièces qui ont été enregistrées entre 2013 et 2018, qui montrent un peu l'évolution du groupe. Et le groupe devrait arriver avec un troisième album de composition originale cette année, l'album Communion. Mais pour le moment, on aura la pièce Sensible. Également, on a une formation suédoise, Permian Incident, de leur nouvel album All the Things No Tomorrow Brings. C'est donc leur second album. Leur premier était paru en 2015, Songs of Solitude and Sorrow. Donc on aura de ce nouvel album la pièce Dandelion, mais tout d'abord les nouveautés de Trifecta et Argos.

I strive through the concrete. CKRL 89.1. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On va poursuivre avec une formation américaine que je viens tout juste de découvrir, il n'est jamais trop tard, et un premier album que j'aime beaucoup, le groupe a pour nom de Clive Eden 7, et ce sera la pièce Cave 2. Ce sera suivi, on parlait tantôt de Argos, donc on présente cette fois-ci un extrait d'un album solo d'un des membres de Argos, c'est-à-dire Jacob, Ulf Jacob, et qui travaille sous le nom de Jacobs. C'est l'album Clouds, paru en 2012. Et puis après ça, Marc, je pense qu'on va faire un tour du côté du Japon et ensuite de l'Italie. Oui, on aura la formation japonaise Kiku Late, aussi appelée Cicla Temensis. C'est de l'album Stories, paru en mai 2021, donc c'est leur premier album. Et tu en avais déjà fait jouer une pièce que j'avais beaucoup aimée, alors là on aura la pièce de Maze. On aura également la formation italienne Tacita Intesa, tirée de Faro, qui est leur second album paru en 2018, et la pièce Solaris. Mais tout d'abord, Clive Dunset et Jacobs. We'll be right back. Thank you.

Et c'est une formation qu'on aura la chance de voir à la prochaine édition du Festival Terra Incognita, qui devrait, si tout va bien, se tenir en mai prochain, comme on en parlait quelquefois, et on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. On aura la pièce Beneath the Silence. Également, on aura la formation Anecdoton, qui sera de la même édition du festival, tirée de Until All the Ghosts Are Gone, leur plus récent album, paru en 2015. Et ça aussi, c'est toute une formation. Là, tu parlais il y a 2 semaines de formations qui nous ont marquées dans le début des années 90, comme Discipline et Colin. Il y a eu Anecdoton aussi, évidemment, qui est un incontournable du renouveau du rock progressif. On aura la pièce Shooting Star. Mais tout d'abord, pour débuter le bloc, Asia Minor, Michel, une formation qui avait été fondée dans les années 70 en France, qui est une formation franco-turque. Oui, une formation qui a effectué un beau retour avec Point of Liberation en 2020, 40 ans après l'apparition de Between Flesh and Divine. Vaut mieux tard que jamais. Et puis, ben écoute, Anecdoton, oui, effectivement, c'est quelque chose que... J'en rêve. Et puis, ben écoute, on va croiser les doigts. Tout comme Professor Tip Top. Mettons que je suis plus confiant que l'année dernière. Et puis, ben d'ailleurs, on en parle, là, il y a de concerts. Au mois de mai, il va y avoir Terra Incognita. Et il va y avoir aussi Pineapple Thief qui vient d'annoncer qu'ils vont être à Québec le 10 mai et le 8 à Montréal. 12 ans après Terra. Car c'est sûr, les gens, peut-être les amateurs ont peut-être loupé cette occasion en 2009 de voir pour le tout premier concert de Pineapple Thief à Québec. Un beau souvenir, inutile de le préciser. Et nous, ben, on y va en musique avec Asia Minor. You sat very still, listening until evening came. I saw standing still shades of nightfall in your eyes. Thank you. And dance. You

CKRL 89.1. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet, et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1 Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour conclure ce dernier bloc de Terra Incognita, on aura la formation argentine Habitat, tirée de leur quatrième album paru en 2010. C'est une formation qui a débuté dans les années 90, fin 90. C'est leur quatrième album, donc celui-là, ils en ont six au total en carrière. L'album Tratando de respirar en la furia. On aura la pièce La Luna Roja y La Montaña Negra. C'est une pièce instrumentale. Mais pour débuter, on aura la formation américaine Kinetic Element qu'on a déjà eu la chance de voir au festival, Michel. J'avais bien aimé leur album Travelogue, paru en 2015. Oui, moi aussi, j'avais bien aimé leur album Travelogue. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le groupe s'est retrouvé dans le cadre du festival en 2016, l'année suivante, parce que j'avais bien apprécié l'album. Et puis, c'est un disque qui a été mixé par Fred Schendel et Steve Babb de Glasshammer. Et je me rappelle que lors d'une rencontre pendant le festival, le leader du groupe, le claviériste Mike Visaggio, m'avait dit qu'il avait vraiment beaucoup apprécié le travail des deux gars de Glasshammer. Il était vraiment satisfait du résultat. Et puis, à l'écoute, on comprend pourquoi. On a choisi comme extrait de cet album la pièce Her. Pour cette pièce, le groupe avait invité le chanteur et claviériste Mike Florio, qui a présenté deux albums dans les années 2000, c'est-à-dire Horizon en 2006 et Reconcile en 2014. Et c'est lui qu'on entend pour Her, qu'on écoute à l'instant. Thank you.

cats keep cats them time. The beating heart is steady, and it is mine, it is mine. A chance just grasped, I am ready. Come back momentarily, escape, escape to take. To one's true, to one's true liberty, one's nature not lonely to make. Art to be free, seeking escape from earth. How do I find me lost? How do I find me alive? I gave up at such great cost. The just to arrive. Wayward men before were lost. Searching from behind, beware. Nothing sees that have no cost. What's right rather than her stare? Hard to be free, seeking escape. notre dernière pièce de ce soir, Marc a choisi une pièce du groupe italien Pandora, un extrait de l'album Sempre e ovunque oltre il sogno, qui a pour titre 03-02-1974, c'est-à-dire le 3 février 1974. Marc me dit que c'est sa fête, et en 74, il y avait 6 ans. Moi, je vous dirai pas quel âge que j'avais, mais c'est ça, c'est un clin d'œil de Marc, et puis aussi un clin d'œil à Genesis, dans le cas de Pandora. Et donc, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Et avant de vous quitter, je vous invite, comme d'habitude, à vous inscrire, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Emozionati, entusiasti, voci a noi sentirai, musica ci sarà, siete qui, magia, armonia, non era solo in quella sera, non era solo show in quel momento, non erano soltanto le canzoni di una vita, era il tocco magico che fugge via.